C'est pas moi, c'est pas du plat, je crois ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il y a au moins de nous, de toi? Des dispositions, des occasions manquées de toute façon. On croit qu'on est con alors qu'on est juste des cons. De l'amour, de la haine, que des contradictions, de la joie, de la peine, on perd de la raison. Qui nous a poussé ici, qui nous aide, qui nous ment, qui nous dit qu'il ne pense pas qu'à lui. Qui serait un résistant, qui serait un collabo, qui donnerait sa vie ou enlèverait la vie. Pour un autre que lui ou pour rester en vie. Sur terre, on dirait qu'il n'y a que l'argent qui compte.